Voici une apologie des femmes les plus mythiques, la mythologie antique d'hier et d'aujourd'hui. Cette chanson de grossièreté que vous allez avaler dans un verre de fantaisie qui vous sera bien servi. D'abord il y a la fidèle qui s'est tapé tous les fruits, mangeant que noyaux et fèves, car plus stupide qu'une souris. Je m'excuse, mais sa mère, trouvant une pomme par terre, se pencha la tête baissée, eut l'erreur de la ramasser. Cette femme tombée des nues, dans une posture incongrue, fit perdre tout le sang chaud au serpent devenu manchot. Loin de moi l'idée machiste qu'une femme pourrait égayer mon sens intellectualiste d'un endroit particulier. Ensuite il y a les fées qui nous mettent de la poudre aux yeux, c'est pour mieux nous usurper notre fortune, et c'est affreux. Quand une fée s'approche de moi, plein de talc d'or illusoire, ça me fait bien éternuer, je lui dis d'aller se faire voir. Puis vient après la Vénus, avec ou sans ses petits bras, elle est belle comme le jour en plus, mais déjà prise par d'autres gars. La sirène sortie des songes, elle te fait chanter du soir au matin, et là tu plonges dans la grosse merde des boires. Survient alors la sorcière, qu'un pif tout boutonneux, apportant plein de misère et des pommes si tu veux. Elle t'endort de belles paroles, tu te réveilles 15 ans plus tard. Trop tard pour en avoir marre, là, t'as vraiment pas eu de bol. Et puis, il y a les belles-mères, un conte à dormir debout sur le paillasson par terre, car très méchante envers nous. Pour faire peur aux gosses de soi, belle-maman est une histoire à faire beaucoup de cauchemars. Elle existe, je viens de la voir.